Écoutez. Valérie, viens m'aider à faire la vaisselle. Oh, encore moi! J'en ai marre. C'est toujours moi qui fais la vaisselle. Pierre peut bien la faire pour une fois. Pierre, allez au travail. J'en ai ras-le-bol de ma sœur. Je t'en prie, je n'aime pas ces façons de parler.